étoiles, c'est brillant. Oh, c'est brillant. Le jour défile les mois, les années tranquillement. On progresse dans le développement. Mais qu'en est-il des sentiments? Des sentiments. La violence fait face à l'absence. Et l'amour, on y arrive, on y court, pour toujours c'est ça, pour toujours. Tu ne sais quoi faire, tu ne sais que faire, pour qu'il reste un mystère. Et c'est maintenant.